c'est juste un petit point alors. Des sous, tout ce qu'on veut c'est des sous, le plus beau c'est pour des clous, t'as bien compris, on est à bout, à point c'est tout. Croisant les bras.